DJ Ahmed. Yeah. Trop jaloux, aiment trop parler chaque jour, ils veulent pas la fermer. Un petit gueule devant leur gueule et on verra s'ils vont la fermer. Gun sort ta face et gun sort ta face. Gun sort ta face et gun sort ta face. Trop jaloux, aiment trop parler chaque jour, ils veulent pas la fermer. Un petit gueule devant leur gueule et on verra s'ils vont la fermer. Gun sort ta face et gun sort ta face. Gun sort ta face et gun sort ta face. Moi j'dis gun sur ta face si ton soit qu'il est haché. Et j'dis gun sur leur face si ces chiennes aiment me critiquer de jour en jour. Je progresse de jour en jour, tu gagnes du stress. T'as un blème avec mes textes, touche pas mon rap, caresse tes fesses. Yeah, pendant mon absence, les grosses biens, j'aime bien parler. Pendant ma présence, ils ont trop peur d'assumer. Parle mal à ma clique et on verra qui va pleurer. Sinon, après ta place, tu pues la merde. T'es licencié, viens pas signer chez Escaprox. Si ton niveau est trop baisé, viens pas traîner au 7-5 en moins d'une heure, tu vas saigner. Yeah, les trafics d'armes, c'est populaire. Une grosse droite, t'as plus de molaire. J'appuie sur la gâchette, tu sautes d'Alger jusqu'à l'équerre. Parce que mes sons sont trop blessés, parce que tes potes ils t'ont laissé. Parce que la France t'a condamné, une peine à prendre ou à laisser. Gun sur ta face, la vie de ta mère tu vas saigner. Gun sur ta face, à 200 mètres tu seras touché. Yeah. Trop jaloux, aiment trop parler chaque jour, ils veulent pas la fermer. Un petit gun devant leur gueule et on verra si vont la fermer. Gun sur ta face et gun sur ta face. Gun sur ta face et gun sur ta face. Trop jaloux, aiment trop parler chaque jour, ils veulent pas la fermer. Un petit gun devant leur gueule et on verra si vont la fermer. Gun sur ta face et gun sur ta face. Gun sur ta face et gun sur ta face. Parce que maintenant ils veulent se venger. Rappelle-toi de ce que je t'ai fait. Les rages sont terminés, ils ont plus de voix pour me parler. Yeah, joue le petit malin, Pécrari la racaille. Joue encore le boss, tu dîneras avec des pailles. Ok, gun sur ta face, ta gueule c'est sur la surface. T'as gratté l'amitié, malheureusement t'as plus de race. Le bonheur les rend pauvres et le malheur les rend riches. Si le diable serait quelqu'un bien pour y croire, je serais chiche. Okay. La chance est envolée pour atterrir chez les gens bien. Puis maintenant y'a plus de calme, les gens ont le seul pour un bien. Les embrouilles commencent de près, puis après elles se terminent loin. Le gun sort des sacs pour braquer les banques. Qu'un suspect, une balance pour Papou car il coupe la langue. Ça se règle avec les armes pour avoir sa part. Ça se termine en tôle, puis après on le regrette. Une balle qui sort du gun, elle s'allume pire qu'une cigare. Trop jaloux, aiment trop parler chaque jour, ils veulent pas la fermer. Un petit gun devant leur gueule et on verra si on la fermer. Gun sur ta face et gun sur ta face. Gun sur ta face et gun sur ta face. Gun sur ta face et gun sur ta face. Gun sur ta face et gun sur ta face. Gun sur ta face et gun sur ta face. Gun sur ta face et gun sur ta face.